Salut, ici Sophie Cadieux. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barouchi en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred! Salut Antoine! Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Ouais, ouais. Et Mathieu Bouillon. Salut les petits gars. Salut. Ah, j'ai pas reçu la toune. Ah non. Je peux pas la chanter. Maudit. Hey, pas de problème, c'est quoi, Jean-Philippe? Écoutez, vous nous envoyez vos problèmes. On essaie de régler ça d'une manière loufoque ou sérieuse. Sur environ 30 minutes, dans le cadre du podcast le plus populaire de la francophonie. Étonnamment. Oui. Étonnamment, oui. Tu crois. C'est drôle parce que... Wow. Oui. Malgré plaintes et marées. D'ailleurs, envoyer des problèmes comme Véronique Langelier l'avait fait une fois pour nous dire qu'elle pouvait pas venir nous voir nos spectacles, mais nos enregistrements publics. C'est vrai. Et là, on y avait proposé dans nos solutions... de venir faire un podcast avec nous. Elle était venue, puis elle nous avait proposé 10 autres problèmes de ses amis, des gens dans son entourage. Ça, c'est vrai, ça. Wow. Et aujourd'hui, on va en prendre un premier. Oui. Je sais pas si je peux nommer le nom. Je sais pas si son collègue écoute l'émission ou pas. On s'en fout. Risque et péril. Non, mais son nom est Annie Roy. Annie Roy, j'ai regardé les problèmes. J'ai regardé les problèmes que Véronique nous a envoyés et ouais. Il doit en avoir 5 d'Annie Roy. Bon. Ah oui. Fait que je pense qu'Annie, j'espère que tu nous écoutes. On a besoin de toi. Parfait. Son problème va comme suit. Cher, pas de problème. Que faire avec un collègue sonore? Oh. Mon collègue de bureau immédiat sent continuellement le besoin d'agrémenter sa journée avec des bruits de bouche. Que ce soit un bruit de pète bizarre, Mathieu, une trompette de célébration quand il réussit quelque chose, un son de buzzer quand il rate son coup, un son de voiture quand il se promène dans le bureau, incluant les bruits de freinage, etc. Merci, j'adore etc. dans ce moment-ci. Il est aussi un fan de François Pérusse, alors à l'occasion, on a droit à des répliques de personnages quand il trouve que ça coïncide avec la situation du moment. Hey Mona! Hey Mona! Pareil, Mathieu. Il fait aussi des imitations Jean-Pierre Bruno ou Jean Chrétien. Donc, des imitations vraiment. Il a aussi un plaisir fou à répéter les noms des clients en utilisant un accent espagnol. Bref. C'est insupportable. Ouais. Bref, c'est n'importe quoi et c'est assez fatigant. Parfois, quand il est moins de bonne humeur, il bardasse son équipement de travail, téléphone, brocheuse, clavier, et lâche quelques sacs assez salés bien haut et fort. Tabarflotte! On a parfois l'impression qu'il est atteint du syndrome de la Tourette, mais pourtant, bien qu'on puisse en douter, il est bien sain d'esprit. Il se trouve même plutôt drôle et il fait tout ça pour agrémenter sa journée et surtout pimenter la nôtre. Nous avons essayé à plusieurs reprises de lui faire savoir calmement que c'est fatigant et qu'il aurait intérêt à mieux se concentrer sur son travail, mais chaque fois, nous avons droit à quelques jours de paix et ça recommence ensuite. Peut-être ne sommes-nous pas assez directs, mais comment lui faire comprendre que ça nous tape sur les nerfs sans trop l'offusquer et aussi ramener slash conserver un bon climat de travail, car nous partageons à 4 employés un cubicule de 20 pieds par 15 pieds. Merci à l'avance, Annie Roy. On a plutôt sympathique. Je suis en train de le mettre sur Twitter. C'est comment faire comprendre à mon collègue qu'il doit arrêter d'agrémenter sa vie avec des bruits de bouche. Excellent. Ou que faire avec un collègue sonore? Ouais. C'est pour bruyant. Ouais, c'est ça. Bruiteur. Ah, oui. En connaissez-vous déjà, vous, qui font des bruits comme ça? Ben moi, je chante au travail, mettons. Puis, c'est Tony Cavana. Ouais, c'est Tony Cavana. Non, puis on me dit des fois, là, ça donne moins bien, là. Oh oui. Les chansons, là, ouais. Fait que je chante moins. Ouais, je le fais. Vous avez un air de travail ouvert. Moi, c'est air ouvert, très... là, ouais. Fait que, mais des fois, je chante avec mes écouteurs, là, je chantonne, puis il y a des mots qui sortent avec plus d'émotion que d'autres. Tu sais. Woman like you! Ouais, c'est ça, genre. Fait que. Mais ça me dérange pas quand on me le dit que je suis tannant, là. Je comprends, puis ça me. J'arrête. Oui. Mais. Ouais. Peut-être que ce que tu sais pas, c'est qu'à un moment donné, ils sont en train de se pousser en arrière, puis ils disent « Toi, non, toi, va y dire. » »« Non, toi, va y dire. » Fait que tu penses qu'ils te demandent une fois de temps en temps, mais c'est constamment quand tu chantes qu'ils veulent te demander d'arrêter. Ça, c'est peut-être ça. Mais ce que je remarque qu'ils font, puis qu'ils marchent, c'est qu'ils prennent un ton très grave pour me le demander. Tu sais, comme « Hey, là, Mathieu, ça te dérangerait-tu d'arrêter? » Parce que je suis vraiment occupé. Tu sais, comme elle me fait sentir, mettons, ma collègue Julie, que j'aime beaucoup, là, que... Mathieu. Que c'est pas le bon moment, là. Tu sais, qu'elle a du stress présentement, puis il faut qu'elle livre de quoi, puis fait que c'est ma gueule un peu, là. Ouais. Ça leur tente pas d'acheter des murs, ils sont pas riches. Non, ça, c'est ça, la pub. C'est une façon de travailler, ouais. Oui, vous avez tout le droit de travailler avec des écouteurs. Wow, ouais, ouais. Donc, tu travailles avec Annie Roy, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui, c'est moi, le collègue, ouais. Hey Mouna! Ta bouille! Ah, mais non, ça a l'air d'un personnage que des gens pourraient apprécier, par contre. Mmh, tu penses? Ah, non, moi, je pense qu'il est le fun la première journée. Dans quel environnement? Il est donc bien vivant. Ouais. Ah, oui. Garderie. Ouais! Hé, hey, on s'en va aux toilettes! L'idole des jeunes. T'as réussi? Ouais, c'est sûr. Hein. Peut-être quelqu'un pour réchauffer la foule au théâtre d'été avant la pièce. Mm-hmm. Je voudrais vous dire que ça va bientôt commencer. Ici Pierre Brudeau, en direct du théâtre. Peut-être qu'on pourrait trouver une job. Tu devrais envoyer son CV à VRAC TV, peut-être comme animateur d'une émission, là, comme Mort de rire, où il pourrait faire des bruits. Ah ça, oui! Ben, bruitant, en fait, là. Mais peut-être que c'est une personne qui veut se faire remarquer. Ah, oh, Fred, je pense que c'est ça. je veux pas dire qui veut de l'attention, mais qui veut se faire remarquer. Ah, remarquer, oui, pour... au niveau de... je comprends. Et quelqu'un fasse... il me faut cette personne-là dans Police Academy 12. Oui, c'est ça. Il est trop blanc pour jouer dans Star Academy. Dans Police, pardon. Ou dans Star. Ouais. Peut-être l'envoyer à la voix, tout simplement. Oui, le comique. Il faut un comique dans la gueule. Ben, il y a déjà Marc. Ah non, il n'est pas comique. Mais... Il pourrait être engagé pour faire une genre de campagne gouvernementale, tu sais, anti-préjugés là, ou contre le racisme là, qui s'adresserait aux jeunes. On dirait que c'est le genre d'humour qui pogne là-dedans. Là. Ding, ding, ding, ding, ding, je suis chez une toque. C'est comme, c'est ça, là. Non. C'est en train de faire référence à quelque chose qui existe déjà. Ouais, non, pas tant, mais c'est comme une image que t'as de cette affaire. Ouais, un peu. Vendre la monnaie de sa pièce si Annie décide de faire des bruits, elle aussi, tu sais, maladroitement pour faire rusher le gars, là. Ouais. Non? Est-ce qu'on a respiré très très fort? Oui. Elle fait Speedy Gonzalez quand ça marche. Ah, oui. Le démon de Tasmanie. Annie, les culotte à buzzer. Écoute, écoutez-moi. Oui. Tu lui fournis en cadeau des culottes qui dissimulent quelque chose qui un donne une petite décharge électrique. Mm-hmm. Puis à chaque fois qu'il fait un bruit, tu le buzzes. Bon, ok, peut-être pas des culottes, là, mais tu trouves une façon de le buzzer à chaque fois ou juste de crier, faire hip! À chaque fois qu'il fait un bruit. Et là, il va se poser la question pourquoi. C'est ça qui se passe. Ouais. Ouais, c'est ça, non, mais tu sais, de lui faire remarquer à chaque fois qu'il fait un bruit. Peut-être faire une ligne sur le mur. Puis qu'elle va faire, c'est quoi toutes ces lignes-là sur le mur? Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Wow! Il pourrait faire un genre de combat des sens. Tu sais, dans le sens. Dans, lui, c'est Louis qui l'attaque. Tu sais. Mm-hmm. Elle, ça pourrait être, mettons, l'odorat. Tu sais, donc, clairement. Elle, donc, elle pète à chaque fois qu'il fait un bruit. Tu sais. Ouais. Fait que c'est de voir là, lequel est plus incommodant. Mais pas sonore. Elle ne peut pas faire sonore. Semblant qu'elle est toujours en train d'utiliser Siri. Il a dit tu peux pas faire des bruits de même parce que ça donne des mauvaises indications au téléphone. C'est drôle. T'sais. Oui. Ou tu sais, les lampes à clap et tout ça. Oui, dire, ça. Quand tu fais des bruits, tu sais, réussir à trouver une lampe qui réagit au bruit et que ça ferme la lumière à chaque fois qu'il fait un bruit. Arrête de faire des bruits. Ah, ce qui est trompette, imitation, ça parle la lampe. Ouais. Ça parle la lampe. C'était quoi dans Seinfeld? Hélène, elle avait un collègue qui faisait pas de bruit. Oui, qui la surprenait. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'elle voulait mettre des grelots. Oui, il avait mis des tic-tacs dans ses poches. Oui, c'est vrai. Puis là, après ça, elle était plus capable des tic-tacs. Donc, attention, Annie, peut-être que si jamais il arrête de faire des bruits, tu vas voir le vide. Oui. Ça va être ça, ça pourrait être. Peut-être diversifier ses bruits, c'est peut-être ça le problème. Ouais. Mm-hmm. Le mettre au défi, là, tu lui donnes un CD là, de 1000 sound effects. Ouais. Wow. Vent, qu'est-ce que c'est ça? Je te mets au défi. Mais d'ici là, t'en fais pas. Non, mais là, s'il fait bruit d'ordinateur, bruit de gars qui boit de l'eau. T'sais, des bruits normaux de bureau. Ouais. Ouais. Ben, là, elle ne fera pas de science. Donc, c'est le CD de bruit bon. De bureau. Le fameux CD de bruit oui. de bureau. Mais s'il perfectionne au point que ça devient comme la réalité. Brosseuse. Ben, là, c'est parfait. Excellent. Ouais. Comme s'il travaillait. Fait juste des bruits. Ouais. Mais il vient ponctuer, tu sais, au lieu de mettre une trompette de victoire, fait. Un classeur qui se ferme. Ouais. Plus réaliste. Pour l'accent espagnol, ça c'est assez facile. Elle peut dire qu'elle vient d'une famille hispanophone ou son chum est hispanophone, fait qu'elle voit ça comme insultant. Tu sais. Mettons. Facile, ça c'est réglé. Francesca Baudouin. Excuse-moi, c'est mes racines que tu piétines ainsi. Mm-hmm. Tu sais. Ouais. Mais elle sort ça là. Elle sort ça là. Là parce qu'elle a retenu tout le long. J'suis plus capable. J'en ai assez, moi, ouais, c'est ouais, ça. Ou peut-être essayer de trouver quelqu'un qui a un nom qui se fait pas avec un accent espagnol. Il y en existe deux. Ouais, il doit bien en avoir. Comme mais qui? Ben, je sais pas, là. Mais tu sais, il y a des sons qui n'existent pas en espagnol, tu sais. Ouais. Ou je sais pas. Puis là, Guy le Jeune. Je l'invite. Mettons Guy le Jeune. Léon. Léon. Ouais, un bel effort. Non, mais. Waouh, ou un asiatique. T'sais. Ah oui! Genre. Mao Ying. Nguyen, là, c'est dur à faire un accent avec ça. Non, mais tu le coinces, tu fais. Hey! Il faudrait que tu traduises ça, c'est en espagnol. Dis, mais non, pourquoi? Ben non, tu parles tout en espagnol, j'ai dit au patron que tu parles espagnol. Eux, ils s'attendent à ce que ça soit traduit, là. Non, je niaisais. Hey, plus jamais! Mm-hmm. C'est bon ça, j'aime ça Antoine. Elle est tough. Oui. Tu sais les pancartes comiques de pas de langage de bébé là. Puis tu sais, ah oui, il y en a. Tu peux en mettre 3-4, puis la quatrième c'est pas de bruit gossant. Puis tu sais, tu fais vraiment comme si c'était une joke. Ouais. Vraiment, ah oui. Tu respectes pas la pancarte. Pas de bruit de bouche. No stairway to heaven. C'est ça, exact. C'est 3-4 blagues, la quatrième est clairement. Ah oui, oui, les panneaux. Les panneaux comiques. Pas de bruit qui pourrait être dans un numéro de Claudine Mercier des années 80, mettons. Okay. Tu veux dire... Brrrr! Elle faisait des bruits? Pas tant. Elle faisait plus des imitations. Non, elle faisait pas ça, non. Des bruits de frais. Des imitations. Oh, des bruits de frais. Ouais. Voilà, salut. dans ces monologues dramatiques. D'ailleurs, elle devrait être avec nous autres dans quelques semaines, oui. Je pense, pour un problème. Oui, l'inimitable. L'inimitable et l'inimitante. Excusez-moi. L'inimitante. Limitateuse limite limitée. Oh! Mais dans les bureaux, je sais pas c'est quoi, c'est genre, quel genre de bureau, mais tu sais. Ben, téléphone brocheuse, 20 pieds par 15 pieds, j'imagine. Ouais, ok. Mais j'imagine que. Il essaie de jazzer des fois un peu le travail avec. Emmène ton enfant à job, puis chapeau de rôle, puis tout ça. Ben, il y a peut-être la journée. Tape sa gueule. Oh, intéressant. Ou tout le monde, pour augmenter le rapport entre les employés, les gens doivent communiquer en s'écrivant des notes ou en se faisant des signes. Ah, très bon. Ça, c'est mais là, lui, il tape sa gueule, puis il fait... Ah, c'est pas sûr. Il est encore pire. Une autre idée, peut-être que Annie pourrait venir avec un comédien déguisé en docteur qui lui s'adresserait à tous les collègues puis qui dirait Annie a des énormes migraines qui pourraient lui faire exploser la boîte crânienne. Mm-hmm. Donc, au moindre bruit inutile, vous pourriez la tuer. Annie a des grosses migraines qui pourraient vous faire perdre vos emplois. Ah! oui. Ça, c'est bon. Mais la personne des ressources humaines, là. Oui. Il n'y a pas quelque chose qui est... Tu sais, la petite rencontre avec tout le monde. Ouais. On va faire un séminaire sur le harcèlement sexuel et insérer ça là-dedans. Sonore. Ouais, harcèlement sonore. Mais c'est possible. Annie a-t-elle le droit d'aller rapporter ça au patron, mettons, selon vous? Ouais, ça peut causer d'autres problèmes. As-tu le droit de dire, hey, tu sais, Luc, il me gosse. Je suis plus capable. Pardon. Attends-toi, Antoine. Ça, c'était un drôle de bruit. Oui. Il fait des sons dérangeants et très gênants. Ouais. Il y a ça. Et raciste. Il y a des lieux ou des moments où on s'accorde que c'est silencieux. Ouais. Comme si à l'instant, une bibliothèque tranquillement dans le coin. Là, c'est Ouais. Un bébé qui dort. Un faux bébé dans un landau. Oui. Un vrai. Un mort. Ouais. Un mort. Ouais, ou les cendres de. Ah, pas un bébé. Non, pas un bébé. Non, un mort. Un mort, là. Un cercueil. Ouais. Ouais. Comme là, ils peuvent faire une semaine de silence pour le pape. Oui. Ça, c'est bon. Aussi, il y a quelqu'un qui vient réciter pendant que vous travaillez quelque chose. Quelqu'un vient jouer du violon ou live. Ah, c'est il les accompagne, il fait des tirs. Ah non, c'est chut, s'il vous plaît. Ouais. Tu baisses le volume de son ordinateur, de son téléphone. Ouais. Il manque des appels. C'est vrai, comment ça? Ben ouais, tu fais bien trop de bruit. Tu fais trop de bruit. Oui, fort. Il faut que tu sois dans le silence. Ouais. Peut-être, ouais, à installer des urnes qui représenteraient les cendres de tous les employés qui ont déjà travaillé ici, tu sais. Fait que ça devient comme une espèce de mausolée, tu sais, qui impose le respect. Ouais. Puis tu le fais travailler en dessous de ça. Ouais. Pas une cage en verre sous vide. À ce moment-là, il n'y a pas de bruit. Mais tu sais, tantôt, quand je soulignais le fait de souligner à chaque fois qu'il fait un bruit, ouais. Si tout le monde s'achetait dans le bureau les trucs cylindriques là, qui faisaient oui ben à chaque fois qu'il fait un bruit tout le monde fait zwiz arc c'est clair c'est le fun c'est sûr. Si Annie le prend sur son dos elle va voir son boss ben, elle dit je peux plus travailler dans le même bureau que lui on a eu des relations très pointues des relations c'est ça faut pas parler, je vais t'avouer quelque chose d'un peu grave il m'a donné le sexe ça c'est le patron qui répond je peux pas travailler avec des hommes c'est possible de me mettre dans un bureau avec juste des femmes j'ai vécu c'est ça ou ma burqa ma burcargo! Burcargo! Mes pantalons à poche, après là. Burcargo! It's back! D'ailleurs, il y a on a un commentaire sur iTunes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui écrit fier. Comment c'est ça? Alors, je vais le trouver, je vais vous le dire. On continue! Parfait! Ouais. Qu'est-ce qui est encore plus gossant et pas drôle que des bruits plates comme ça? T'sais? C'est-tu comme de faire venir pour une journée. Quelqu'un qu'on haït, là, mettons, là, qu'on trouve pas drôle, là, que je ne nommerai pas, mettons. Là, mais... Des vidéos comiques? Ouais, mettons, là, tu sais, comme où... Y faire commenter toute sa journée par, mettons, le gars qui fait les commentateurs de Rire et délire, là, mettons, là. Hey, Bruno? Ça, pour moi, c'est-tu Jeannot Bergeron? Moi, je l'aime bien. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Ouais, mais toi, mais ça, c'est... Tu le trouves tellement spécial que maintenant, tu l'aimes... Non, je trouve ça beau, le petit jugement qu'il porte sur, tu sais, pour... sur un chat. Pour faire du ski de ton toit jusqu'à un banc de neige, il faut quand même que tu aies pris des mauvaises décisions c'est dans ta vie jusqu'à maintenant. Puis je trouve ça drôle que... Ah, j'ai vu ça cette semaine, une photo sur Internet d'un gars qui descend les escaliers avec une bière dans les mains, puis sur un bout de carton, là, comme une crise carpette. Puis là, c'est écrit « Alcohol, because nothing great begins with salad ». C'est parfait. Et tu sais, c'est quand même rare dans ces émissions-là que tu vas voir un homme d'affaires faire un saut à sa femme, cacher la tête dans le lavabo. T'sais. Ouais, exact. Ça reste. C'est des effets à partir. Quelque chose un peu moins Bon. Mais ce qui est tough dans le problème d'Annie, c'est qu'elle dit qu'ils ont essayé à plusieurs reprises de faire savoir. Ouais. Et qu'il n'a jamais compris cette affaire-là. Fait que le problème est plus grand qu'eux, j'ai l'impression. Parler à la famille de ce gars-là, dire il fait ça chez vous, il a-tu. Tu sais, parce que c'est peut-être un problème qui a des répercussions partout. Là. Il y a peut-être une peur du silence aussi, tu sais. C'est comme Mme Peacock dans le club. Oui! Vous avez peur du silence, Mme Pervenche. Ouais. Mais il y a toujours le fait de se sentir diminué par ses collègues, tu sais. À chaque fois qu'il sort de quoi, quelqu'un... quelqu'un d'autre sort une anecdote par rapport au son qu'il vient de faire ou à la joke qu'il vient de faire... Tout le monde rit de ce que l'autre a sorti. Oui. T'sais, tout le monde s'entend pour faire... Ok, peu importe, quelqu'un va faire quelque chose d'autre, puis on va rire de l'autre affaire. Ouais. Puis il va faire... il va se sentir mal. Impopulaire, ouais. Complètement. Ouais, oui, écoutez en gang, tu sais, comme une vidéo YouTube, là, comme Adja, mais des fous braques, mettons, là, ouais. Dire à quel point c'est daté. Là, fait, t'sais, Chris, as-tu vu ça? Check ce qu'il fait. C'est daté. C'est bien, ça. Le bébé de Michel Courtamanche. Exactement. Le... le lundi d'après, il va au moins moderniser son humour. T'sais, il va arriver avec une casquette Kangol, des pantalons de cuir, puis il va imiter Michael Jackson. Ouais. C'est ça, une petite veste. Et écrire « Vous autres, là! » Ouais. Il fait perdre sa job complètement. Yes! Yeah. Tue-le! Tue-le! Essayez de convaincre le patron que vous n'avez plus besoin de murs au cubicule. Ouvrons l'espace au complet. Oh. Tant qu'à avoir des petits panneaux de tissu, ouvrons l'espace. Comme ça, tout le monde va subir ce gars-là. Puis après ça, ça va créer l'armée. T'sais. Ouais, contre lui. Contre le bruiteur. Peut-être l'inviter à aller voir un spectacle d'humour, mais finalement, c'est un open mic, puis tu l'as inscrit. Lui, il va être traumatisé de cette pétale. Ouais, ouais. C'est du succès, c'est moi dire t'es dans la merde. Ben là, s'il y a du succès, tu fais « Hey, c'est pas ici, faut que tu travailles, là. » Ah, il y a ça. Vas-y, lance-toi. Hey. Toutes tes dépenses, mais tes économies, mets ça là-dedans. Suis ton étoile. Attends, mettons, Kino, ils ont besoin de bruiteurs des fois. Oui! Oui. Les bananes électriques, vous rappelez pas de ça? Les mimes électriques, c'était ça? Les mimes électriques. Ils faisaient du mime avec des bruits. Moi, je suis un peu ce gars-là à l'intérieur, puis je me retiens tout le temps de faire des bruits. Ah ouais? Parce que je sais que je suis hot. Il devient des bruits. Mais je le retiens, tu sais. Fait que peut-être, comme d'habitude, lui faire. Non, mais moi, c'est constant. Je me bats constamment contre ça. Peut-être lui faire écouter ce podcast-là. Tu sais, souvent, on demande ça pour voir qu'il y en a d'autres comme lui. Oui. Puis que. Nous, on se rassemble des fois dans le parc La Fontaine vers 11h le soir. Puis on... La thérapie par le bruit de bouche. Là. On se fait des bruits. Ouais. Mais Annie dit, il bardasse son équipement de travail, il lâche quelques cercles assez salés, bien haut et fort. Elle peut peut-être transformer ça en une espèce de anger management. Ouais. Ça marche pas, trop agressif. Ouais. Je pense que t'as un problème là-dessus. Ouais. Des bruits de mitraillette aussi. Peur. Anger and bruit de bouche. Exact. Oui. Annie. S'arracher les tympans. Ouais, ça c'est un autre problème. Ouais. Mm-hmm. Le vieux truc des chaurocs, là, du papier de toilette mouillé. Oui. Ouais. Et ils se vendent des bouchons aussi. Oui, pareil. T'es pas obligé de mettre du papier de toilette mouillé dans tes oreilles. Arrête, ça coûte 20 fois plus cher. Ils en vendent pas dans les chaurocs. T'es réutilise. Tandis que des papiers de toilette aux toilettes. Attends, tu te mets ça dans les chaurocs? Chaurocs, pour vraiment vivre un chaurocs, il faut que tu ressortes de là puis t'entends. Il manque juste la quinte. Maudite merde. Hey, on est-tu passé à côté? Celle-là, là. Souche! Il y a des petits adages, mettre des petites phrases peut-être. Le silence est d'or. Ouais, le silence est d'or! Yeah! Fred, peux-tu taper sur YouTube s'il y a une vidéo de gars énervant qui fait des bruits puis quelqu'un qui l'engueule? Parce que peut-être il a envoyé ça de manière anonyme. Oui. Regarde-le comment il se fait engueuler, ce gars-là. C'est drôle. Il n'arrête pas de faire du bruit. Shut your noise. Il a bardassé son équipement en sacrant. C'est quoi? Il s'en ramasse. Genre un noisy colleague. Mais quitte à l'inventer, quitte à faire un faux YouTube. Oui, quitte à l'inventer. Dans son Texas 96. Noisy colleagues at work. Oui. Attends, on va aller dans YouTube. Asperger's syndrome at work. C'est exactement ça, c'est parfait. Play a joke on my... colleague. Mais si on voit ça, tu fais comme si c'était une chose qui faisait fureur, puis il y a 12 millions de likes, tu sais. Tout le monde est d'accord, c'est tout le monde. Ben fait, ils ont bien fait de se péter la gueule. Ils ont fait une émission à vlog, ils l'ont passé 7 fois, c'était juste ça. C'était un ennemi de l'État. Ben écoute, je vous laisse, on n'écoutera pas ça pendant qu'on enregistre le podcast. C'est Asperger Syndrome at Work. Ouais, ben, Noisy Colleague at Work. Je suis sûr qu'il y a moyen. Classique. Tu lui envoies ça, tu te crées une adresse Hotmail. La vérité at Hotmail. Puis là, tu dis vérité. Annie peut tranquillement baisser sa qualité d'ouïe, là. Mm-hmm. Oui, aussi. Ça écoute des choses très très fortes. Les show rock. Les show rock. Tranquillement, pas baisser de 10, 15, 20%. Ce serait moins pire. L'émission de Stéphano. Dans le piton. Ou des émissions fortes, là. Je sais pas. Il y en a. Une émission forte, là. Mm-hmm. Oui. Comme... Forte. Forte. Ça, c'est bon, cette émission-là. T'as-tu écouté Forte en fin de semaine? C'était fort. Ouais. Ouais. Ou tout simplement, couvre. Tu sais, on parle de son oui, mais peut-être. Diminuer ses possibilités à lui, tu sais, toujours avoir de la grosse musique forte dans... On en a-tu parlé? Dans le bureau. Musique, elle, des écouteurs, lui, des écouteurs. Ouais, ça. La musique. Ah, c'est quand tu y parles, c'est ça l'affaire. Hein? C'est genre, il doit être en réunion ou... Oh, oui, non, puis je pense que vient un moment où, tu sais, je comprends Annie, là, c'est sans retour. Là, ouais. Si ce gars-là t'a gossé une fois, il va te gosser tout le temps. Puis peu importe ce qu'il fait, tu vas penser que c'est des bruits, il recule sa chaise, ça maudit le son du tapis. T'sais. Et c'est maudit bruit de brocheuse. C'est j'aurais, sûr. Pas donner, j'aurais pas dû lui donner ce CD-là. C'est sûr. Ça maudit bouche. Il va aux toilettes, il flush pas, mais il a fait le son de la flush. Fait qu'il y a toujours des grosses grottes quand même. Ah, barnac. Il m'a eu. Ah, ah mais si t'imagines, t'sais, lui et sa femme, en plus, t'sais, peut-être qu'il fait des bruits comme ça dans les rapprochements intimes. Ouais, des sons de lit. Des sons de lit, là. Arc, oui. Mais si... C'est vrai qu'il passe tout le temps. J'arrête pas. Non, mais c'est en face. Là, c'est parce qu'on a l'opportunité d'en faire. Mais c'est pas vrai, là. C'est, je le fais juste quand je suis seul. Mais... seul. Peut-être trouver quelqu'un comme lui et faire un bruit tough. Ah mm-hmm. oui. Ouais, tu sais. Bruit battle. Un bruit battle. Un bruit toll. Ouais, c'est bon, ouais. Ça revient un peu à ce qu'Antoine disait, les 1000 sons mais sur CD. Il en sortir un qui est épique, on a fait sur YouTube, il disait qu'il n'était pas capable de faire ça. Bon, ah, ouais. Puis il lançait le défi, je te donne 6 mois pour le faire. T'sais, ne serait-ce que ce bruit tough-là. Ouais. Je ne veux jamais l'entendre la job. Ouais, c'est ça. Parce que non. Ça va couper la surprise. Je veux entendre le résultat final. Bravo, bien joué, Jean-Philippe. Ouais, c'était la twist qu'il faut. La twist. Ouais. Il vire fou, il perd sa job, hanté par le son. Exact. Puis là, t'as 6 mois. Ou Salieri, tu deviens. Ah oui. Garde de contrôle. Ou de 6 mois pour en trouver un autre. Ouais. Ouais. Ou, mais tu sais, juste engager justement le gars de Police Academy là, à venir faire un stage dans la journée. Là. Il est bien. Fait que là. Ah ouais, c'est vrai. 6 mois, il... tous les jours, il faisait juste. Vieux métro. Il jouait avec sa bouche, puis il faisait comme des bruits de micro tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais. Ah, c'est comme, tu sais, la petite noire, là, fâchée, que son seul atout, c'était de crier des fois quand elle était fâchée, là. Ouais, parce que c'était la... Arrêtez! Mais... Non, mais la première fois, c'était comique. Oui. Mais dans tous les autres Police Academy, c'était pas drôle, hein? Excusez-moi! Mais lui, il était vraiment fâché dans Police Academy parce qu'il y avait des dialogues, mais ils ont tout pris les entre-takes où il faisait des bruits. Oh non! C'était jamais voulu. Ah oui, mais si vous faites un travail ensemble, là, Annie et son collègue, tu sais, peut-être quand vous échangez, écris les bruits dans le dossier que vous êtes en train de faire. Ah oui, faut que t'arrêtes d'en faire. Tu vois, que... ça me déconcentre. Ouais, j'ai écrit trompette. Salut à moi. Aller de l'avant, bruit de troc. Ah, oh, j'allais faire une blague, je la dis. Mais tu sais, les bruits très difficiles, les bruits impossibles, là, peut-être philosophiquement, tu sais, quel bruit fait un arbre quand il tombe dans une forêt. Oui. Ah, si personne peut l'entendre. Un ultrason. OK, il part avec ça. Il est coincé. Non, mais t'as Lisa qui essaie de le faire à Bart, ça? perdre du temps à côté. Fait... Ah oui, c'est ça. Ou le son de la main sur le temps qui applaudit. Ouais. C'est la main qui ferme dans l'air. Ouais, ouais, ouais. Ah, Annie. Annie et ses hommes. Mais Annie revient avec. On a parfois l'impression qu'il a, qu'il est atteint du syndrome de la Tourette. Mm. Mais il a peut-être le syndrome de la Tourette. Parce... Mm. Ah oui. Oui, parce qu'il gère beaucoup mieux que d'autres. Oui, parce que les gens qui ont le syndrome de la Tourette sont sains d'esprit, là, addité, mais il est sain d'esprit. Ouais. Mais c'est juste que lui, il a une incapacité, ça sort. Mais s'il est capable d'arrêter quand il leur demande. Quand il lui demande. Mais c'est justement, c'est peut-être qu'il y a un certain contrôle dessus. Mais après, c'est ça. Ouais. On sait pas s'il parle seul aussi, hein. Tu sais, s'il dit, bon, là, on va mettre la facture avec mon shipping, mais tu sais. Ah, ouais. Quelqu'un qui parle seul. Moi, je trouve ça pire. Ouais, c'est vraiment. Oh. Bon, ben là. Hein? Ouais, écoute, on en a trouvé un pire. Mais si jamais on trouve d'autres solutions, pendant que je vous expose nos nouveaux commentaires sur iTunes. Oh, ah, ouais, d'ailleurs, on est rendu à 84, 5 ou rien. C'est quand même pas pire. Ben, en fait, on a peut-être plus de rien, mais on le sait pas. Ouais. Donc, c'est, on a 84, 5. C'est pas pire. Note parfaite. 84. C'est très long. Oui, de 5 étoiles. Alors, on a la balado numéro 1 de la francophonie. Ça, c'est le titre de Perv Smurf. Oh. Qui écrit « Après avoir découvert récemment cette balado-diffusion, je m'en excuse profondément. Je ne pouvais plus me satisfaire d'une mise à jour par semaine, si bien que je découvre avec autant de plaisir les premiers épisodes. Oh. Très divertissant et parfois utile, entre parenthèses. » Moi, j'aurais fait le contraire. Ouais. C'est le compagnon idéal pour faire de la route en voiture. Mon préféré, clairement Antoine. Oh. J'aurais dû le dire. Et un peu freiné. Non seulement je partage son prénom, c'est pour ça, mais son style et son approche à des problèmes me comblent. N'étant pas de sexe féminin, c'est toutefois pas sa voix sexy qui va me convaincre. Ma solution préférée, au problème des vendeuses fatigantes dans les magasins, tout simplement leur dire de nous masturber. Ça me semble clair et direct. Yes, Tony. Contrairement à ce qui est rapporté... Je l'ai réécouté l'autre fois, celle-là. Ah oui. Contrairement à ce qui est rapporté dans la balade de diffusion, ça ne semble pas fonctionner chez Walmart. Même que la présence de police en renfort peut mettre mal à l'aise. Longue vie à pas de prom. Voilà. Ouais. Non, c'était vraiment... C'était d'imaginer, la fille disait, est-ce que je peux vous aider? Oui, masturbe-moi. Puis, elle te laisse tranquille. Puis, elle te laisse tranquille. Oh, on a eu quelqu'un qui s'appelle Podophile en folie, qui a écrit, son titre, c'est « La construction d'un voileau, prochaine étape ». Après avoir torturé... Après avoir torturé un bas et accroché en haut de ma sécheuse... J'ai maintenant un bas de moins. Ça, c'était nos solutions pour ne pas perdre des bas dans ces choses. Dans les premiers podcasts. D'en prendre un exemple. Ouais. Merci, pas de problème, que ce soit des solutions crise et opportunité ou simplement de tuer quelqu'un grâce à d'ingénieux conseils Twitter. Pas de problème, reste indéfectible. Un indéfectible moyen pour vous bidonner et dilater votre ratre, comme jamais. Cinq ou un. Oui, c'est pour ça que c'est maintenant Jean-Philippe qui lit les problèmes. Parce que moi... Lecture à vue, là... Je suis vraiment bon, mais pas à vue. Ah! Oh. À vue. Lecture à vulve. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Je m'attendais pas à ça. Non? Moi, oui. Solution préférée? Solution préférée? En avez-vous là-dedans, messieurs, les solutions préférées? Elles sont toutes bonnes. Il y en a une que t'as dit, Antoine. C'était... Ah non, t'en as pas dit. je sais pas. L'encourager à suivre une carrière en humour. Ouais. Le rendre fou avec un bruit inatteignable. Oui. Mm. Salieri. Ouais. Amadeus. Ou Ima Sumac, atteindre les bruits de la chanteuse Ima Sumac. Oui. Vous savez c'est qui? Non. Chanteuse des années 50 qui a grandi dans les îles paradisiaques puis qui chantait comme les oiseaux. Tu peux en trouver plein, là. Elle a atteint les notes les plus hautes ever jamais atteintes par... plus haute que Maria. Man. Plus haute que Maria. Ima Sumac, vous irez voir, okay. Là, c'est intéressant. Oui. Ouais. Travailler dans l'espace? Clairement. Ouais, c'est vrai. Personne ne peut t'entendre dans l'espace. Non. Personne ne peut t'entendre crier. Oui. Ou demander si quelqu'un a des muffins. Hein? Non. Pour demander des muffins. Antoine? Dans l'espace. J'hésite, il y avait des belles solutions. Non, sérieusement, je trouve que c'était enrichissant. C'est riche. Je vais t'obliger d'y aller avec le combat des sens. Le combat des sens. Mais on peut aller plus loin avec juste porter un sou trop de couleurs. Fluo, trop de fluo. Ouais. Là. T'es dans la même cubicule que lui. Attaque la vue. Oui, donc, 15 pieds par 20. Attaquer la vue, là. Ouais, il est mal. Faut qu'il vienne avec des lunettes de soleil. Oui, c'est ça. Tellement il est rochant. Arrête tes sons, mon gars. Ou au toucher. Tu le touches trop. Ouais, très bon. Être dans sa bulle. Excusez, ça. Mais tu sais, il y a des gens là, qui rentrent dans ta bulle. Oui. Un peu trop. On en a déjà parlé, je pense. Oui. Mais. Tu sais, être dans sa bulle, fait qu'il va peut-être se sentir gêné de faire des bruits quand quelqu'un est trop proche. Ça, c'est vrai, ça, quand même. Ouais. Parce que ces gens-là font des bruits pour se rapprocher des autres. Oui. Mais quand ils sont trop proches, ils sont gênés. Ouais, puis ça donne mauvaise haleine de faire des bruits de même. Tu sais, ta bouche fait comme des affaires bizarres. T'sais. C'est vrai, ça. Ouais. Attraper un virus qui force les autres à porter un masque. Ouais. Effectivement. Ça étouffe un peu les bruits. Imposer un rythme de base dans le bureau. Puis il peut juste faire des bruits sur le rythme. Au moins, c'est ça. Comme dans la tune de Bruno Mars, là, le gars qui fait yip, yip, yip, yip, yip, yip, yip, yip. Ouh! Poum, tout, poum, poum. Ouais, c'est bon. Ouais. Yeah, yeah! Oui. Alors, voilà. Vos solutions préférées, allez nous les écrire sur Facebook. Et vos problèmes, venez nous les écrire sur Facebook ou Twitter ou par courriel. On en reçoit là, de plus en plus par courriel. Puis c'est le fun parce que vous pouvez garder... vous pouvez rester anonyme ou vous pouvez vraiment nous faire des demandes loufoques. Là. Oui. Et puis, le courriel, c'est podproblème@gmail.com. Et voilà. Le mot de la fin, en bruit, Mathieu. Vous avez un U, nous avons un TING! Aouga! Wow. Wow.